sélection. Le pied sous sélecteur. À mon tour, je bosse électo. Tu nous connais, c'est le secteur. La grosse partie, mais on le dit tous les jours. Je voulais en prendre du bichard, la fumée sous les joues. Dans le quartier, y'a la police, mais t'inquiète, c'est léger. Qu'est-ce qu'il veut te dire, ça c'est comme ça dans tous les sous. La police en descend, tu sois à scooter à monter. Des fans m'arrêtent, me disent, dis-moi comment tu remontes mon temps. C'est pas si plus la bume, c'est un ton gris montagne. Et si on se voit peu, je suis dans l'argent pour gros montant. Ah, quand j'écris des textes, mais t'as croisé trop des bars. J'ai plus des yeux fermés, ils veulent me tester, gros débile. Et je me dis, ralentis, sinon tu me y'a trop d'écart. Mais en voilà, preuve pour mon poteau, c'est trop d'équerre. J'arrive sur le poteau, ils voyaient des gros écarts. Ils savent que je vais les baisser, mais ils sont trop déter. C'est devant le calon, tu brûles la porte qu'un grand départ. La police s'énerve et contre la sèche, j'ai trop de pierres. J'entame la bouteille parce que le flash, il comptait pas. J'en ai fait du mal à ce qui me reste, c'est côté bon. Tant que côté bas, c'est dans les boîtes, le côté bas. On me dit, t'es mal, t'as vu. Prestation hallucinante. Pourtant, je suis allons avant. On râle, sinon. À qui faut que tu trottines. Et mon côté fuyard, sur moi quel bouquineur. J'ai retail de ruinard. Chérie, j'ai pas besoin de toi. J'me demande si mes amis sont sur mes 4-5 doigts. Quelqu'un de 4-5 pas. Nous pendant la même journée, ils détendent 4-5 fois. Et moi j'me barrais de ses rues. Dans le boîtier, la barre est serrée. Ils veulent tous me bloquer, c'est rare. Mais y'a rien pour resserrer. Et qui forme petite routine. Et mon côté fuyard, sur moi quel bouquineur. J'ai retail de ruinard. Et qui forme petite routine. Et mon côté fuyard, sur moi quel bouquineur. J'y retaille de ruineur. J'y retaille de ruineur. J'y retaille de ruineur. J'y retaille de ruineur. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. J'y retaille de ruineur. J'y retaille de ruineur. J'y retaille de ruineur. Vous faites ma haine. Bande de manches pierres, gardez-en une pour une maëlle. Ha ha ha ha.